peux écrire? Tu peux me répondre. Parce que ton son il sort impeccable, c'est bon, mais il manque un peu de. Va falloir que tu montes le volume et que tu Là, l'as. oui. Voilà. Ah, ok, je vais écrire. Alors, j'entends ton saxo. Génial. Bon, ça veut dire. Je peux monter le gain, ça, c'est pas un problème. J'écris, hein, c'est plus simple. Alors, par contre, voilà, t'as qu'un Quoi? signal mono, je comprends pas pourquoi. 1, 2, 1, 2. Ah, ouais, je sais pourquoi. Ouais. Ah, ok. Ouais, là, je suis en Est-ce mono que pour l'instant, ouais. tu as Reaper là? Par défaut, je crois qu'il prend que la première piste de ma table. Normal. Alors, attends. Pardon? Est-ce que tu as Reaper, Ah, le Reaper. logiciel Reaper là? Non, j'utilise un truc qui s'appelle Reaper, je sais plus quoi, le. Jam Tabac. Ah ouais, ok, Jam Tabac, ah ouais. Donc ton signal il est bon, il est pas. Il faut Je juste l'ai qu'il soit un peu téléchargé plus hier puissant là, et mais il est en visiblement je sais mono. pas comment Alors faire, je reconnais pas tout. faut que tu choisisses un signal mono. C'est pas grave, tu passes par Jam Tabac. C'est bon, je m'entends. Ouais, bah c'est pas trop grave si je suis en mono, si? Non, mais. Disons qu'attends, j'écris. Ouais, 1, 2, 1, 2. D'accord. Là, je vais être franchement plus fort. Ouais. C'est pas ça? Ouais. Ah, d'accord. Ah, ok. Toi, tu m'as que à gauche, c'est Alors ça? attends, parce que Ah, Jam curieux. Tabac, je me rappelle plus comment ça marche. 1, 2. Ah, oui. Ah, Voilà. ok. Donc, c'est l'inverse et je suis en stéréo. Ah. Non, mais c'est Oui, bon, c'est que je suis en peut-être, oui, stéréo en fait. Je vais prendre peut-être. un deuxième micro, c'est pour Exact. ça. Bon, alors je vais essayer de mettre une chanson. Alors. En fait, c'est l'inverse parce que Je j'ai branché recommence qu'un parce que micro j'avais mis et un lui truc, s'attend à mais ce que j'en ai deux, c'était pas quoi. terrible, attends.